بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ اليوم السؤال 18 بعد 200 218 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: بعد التثاؤب نسمع كثيرا عند بعض الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه العبارة وردت في هذا الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il est interrogé le Cheikh à propos de certaines personnes qui lorsqu'elles baillent ils disent je recherche refuge auprès d'Allah contre le shaitan lapidé. Donc il demande, est-ce que cette expression, cette invocation a été dite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cette occasion-là. فأجاب رحمه الله تعالى هذه العبارة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع وليس التثاؤب من أسباب طلب الاستعاذة. Donc il a dit, il n'a aucune preuve venant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait dit cette chose-là, cette parole-là, à cette occasion-là, à ce moment-là. Et que le fait de bailler n'est pas une chose qui amène à demander à rechercher refuge auprès d'Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته ماذا يفعلون عند التثاؤب فأمر الإنسان أن يكظم ما استطاع فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فمه. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم nous a indiqué comment se comporter lors du bâillement. En premier lieu, le repousser autant que possible, car en effet le bâillement vient de Shaitan. Et que si on ne peut le repousser, alors de mettre la main devant la bouche. Pourquoi? Car Shaitan peut rentrer dans par notre bouche au moment du bâillement. Voilà, sans pour autant dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa lam yadhkur an yasta'idha al-insana billahi wa minash shaitanir rajim fi hadha al-mawdu'. Wa law kana mashru'an bayyanahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama bayyana an yushra'a min al-af'al al-huduth at-tafa'ub. Donc il n'y a rien qui cite qu'il faille rechercher refuge auprès d'Allah lors du bâillement, sans quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait indiqué et nous l'aurait appris. Naam. Et de la même occasion pour des gens qui, lorsqu'ils rotent, ils disent « Alhamdulillah ». Également, lorsque l'on rote, il n'y a aucune invocation qui soit venue authentique pour indiquer comment se comporter à ce moment-là. Donc dire, spécifier la louange à Allah à ce moment-là, rentre dans l'innovation. Bien que Allah mérite la louange à tout moment, mais choisir ce moment particulier et dire « Alhamdulillah » après avoir roté ou quoi, on dit « Alhamdulillah » après avoir bu, après avoir mangé. Par exemple, il y a des hadiths précis, mais quant au fait de roter, il n'y a rien qui soit venu par rapport à cela. Naam. Thumma, fi su'al, tasi achar, ba'd al-miyatayn, su'il al-shir, rahmallahu ta'ala, qu'on le qu'a'il, la bouda en yakuna al-yaqin fi qalb al-insan ala dhati Allah subhanahu wa ta'ala kamilan, wa yukhriju al-yaqin al-fasid. Kayfa. Donc, il est interrogé à propos de la personne qui dirait qu'il faut absolument que la certitude dans le cœur soit présente à propos de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'en sortir toute certitude qui elle est mauvaise. يعني إدخال اليقين في قلبي على ذات الله وإخراج اليقين الفاسد بمعنى أن يكون في القلب يقين على ذات الله بنور الرزاق النافع المعز والمذل ويخرج من القلب يقينه على الأشياء كالمال وغيره. C'est-à-dire rentrer dans son cœur à propos d'Allah, avoir la certitude que c'est lui qui accorde la subsistance et c'est lui qui donne la gloire, la force, ou c'est lui qui rabaisse et tout. Et sortir du cœur, justement, les choses qui s'opposent à cela, c'est-à-dire le fait d'avoir la certitude que ces choses peuvent s'obtenir par l'argent et par le matériel et autres. C'est ça qu'ils appellent comme étant la yakin facid, la certitude qui est, elle, mauvaise. Fajab rahman wa ta'ala. Hada yusamma tawakkul. فلا شك أن الإنسان يجب عليه أن يجعل توكله على الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلون كنتم مؤمنين وأن يجعل ما سوى الله مجرد سبب. Donc il a dit cela, ce qui est décrit dans cette question, c'est le tawakkul, justement, le fait de passer sa confiance en Allah. Et il ne fait aucun doute que la personne, il est obligatoire à la personne de passer sa confiance en Allah, dans le sens où elle a dit, et c'est en Allah que vous devez passer votre confiance si jamais vous êtes croyant. La table de service, verset 23. Et tout ce qui est en dehors d'Allah ne sont que des causes. فالإنسان أشك أنه يعتمد على راتبه ولهذا يستقرض على راتبه ويشتري أشياء مؤجلة على راتبه ولكن لا يعني ذلك أنه يعتمد على ذلك كما يعتمد على الله بل يعتقد بأن هذا سبب من الأسباب. Par exemple, il fait aucun doute que la personne se base sur son salaire. C'est pour cela que des fois il emprunte à l'avance, il achète des choses pour les payer plus tard. Pourquoi? Car il sait que son salaire va venir. Cependant, lui ne se repose pas là-dessus, mais il n'en a fait qu'une cause, mais il se repose sur Allah subhanahu wa ta'ala. وتسمية التوكل يقينا خطأ، وأخشى أن يكون هذا من كلمات الصوفية وما أشبههم. والتوكل غير اليقين، التوكل أن يعتمد الإنسان على الله، أما اليقين فهو أن يتيقن وجود الشيء. Donc le fait de nommer cette chose comme étant, de nommer le tawakkul, de le nommer comme en étant la yaqin, c'est-à-dire nommer le tawakkul comme étant la certitude, cela est une erreur. Et je crains que cela ne soit parmi les expressions des soufis. Et ce qui ressemble. Le tawakkul, ce n'est pas la yaqin. La confiance n'est pas la certitude. La tawakkul, c'est le fait de se reposer sur Allah pleinement en prenant les causes. Quant à la yaqin, certitude, c'est le fait d'être sûr que la chose est présente. Ce sont deux choses différentes. نعم. فالذي أخذنا اليوم من هذا هذين السؤالين والحمد لله رب العالمين.